des amis merveilleux, fainéants, picassiettes, et que l'on est comme eux, pas bégueule. On va dans les salons, snobinards et dorés, jouer les anarchistes aigris, les révoltés, forts en gueule. Je n'oublierai jamais le troupeau de crevards, hirsutes et mal lavés. Assaillant le buffet et jetant au hasard les pattes dans les mets sous de tristes regards de détresse. Je n'oublierai jamais nos hurlements d'horreur en voyant des objets, des tableaux de valeur. Campait sans merci ni adieu à l'hôtesse. On se voulait cynique, exécrable, et pourtant nous étions romantiques, faits de chair et de sang, de faiblesse. Je n'oublierai jamais, je n'ai pas. Encore ma jeunesse. À l'époque, on était de joyeux rigolos, plus ou moins attachés à de vagues journaux très obscurs. Philosophes, écrivains, poètes d'occasion, illustres inconnus. Néanmoins, nous avions la dent dure. Je n'oublierai jamais nos merveilleux festins près des tonneaux percés. Ou bien dessous, que le jus nous coulait dans le nez, dans le cou, les entrailles. Je n'oublierai jamais nos cris et nos serments, nos discours enflammés sur le désarmement. Éperdu à travers un quartier qui nous crachait dessus nos batailles, les filles à la page qui partageaient nos jours et faisaient le ménage, la cuisine et l'amour, tendre caille. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu s'enfuir. Je n'ai pas de regrets, car j'ai des souvenirs en pagaille.